Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Mon nom est Jimmy Farley et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et aujourd'hui à l'émission, on aura Fish et son nouvel album, on aura Slift de la France, on aura Cosmic Vibrations et Phones de l'Allemagne. Et tout le reste de l'émission sera consacré à du rock progressif italien, dont la nouveauté de la Maschera di Chera. On aura aussi Delirium, Il Volo, Le Orme et Il Rovesio de la Medaglia. Alors, pour l'album de la semaine, aujourd'hui, on a le dernier, et en fait, c'est vraiment le dernier album de Fish, qu'on connaît comme chanteur de Marillion, surtout les quatre premiers albums dans les années 80. Alors, Fish, qui nous propose son 11e album studio. L'album s'intitule Weltschmerz, et il contient 2 CD, 10 pièces au total, près de 80 minutes de musique. Et on en propose à l'émission un bloc de 25 minutes réparti sur 2 pièces. La première, c'est Little Man What Now, et ça sera suivi de Rose of Damascus. Alors, Fish. Little man, what now?

candle stutters in the desert breeze, sets the characters dancing on a dusty page. The hearts of darkness beat in the starlight, a burning bush, the ashes glow, charcoals blacken the ember show. The words of the prophet, the promise of miracles, prayers of deliverance, faith in the fire. Before a timeless dawn, the shadows crawl. The dew evaporates, the rising sun signals the movement, a world in motion. The wood smoke lingers in the patchy thorns, where partridge scuffle a nervous squall. A panicking hare breaks from his cover. The figures wander through familiar lands, the razed rock, the scorching sands. Follow the footsteps of lost generations that gathered the flowers to place in the baskets. The scent of the petals carries the memories, the eternal fragrance of the rose of Damascus. Abound on the dark road to city lights, heading for coffee bars, singing along to the songs on the radio. The spell of a Friday night bewitches the heart and banishes sadness, lost in their teenage dreams, careless and free. Blouse unbuttoned, she opens the collar, checks the mirror for her lipstick smile. Smoothing her dress, she glances behind her, condemning eyes are now so far away. She moves in the bustling crowds, her confidence shows her presence invisible. The pulsing night, lifting her high on the wings of a butterfly. Deaf to the gathering storm, screams in the darkness, whispers in alleyways. She joins with the growing throng, carried away, unaware of her destiny. She breathes in the wind of change, of freedoms, leaving the lights behind. A tear in her eyes, she heads into the darkness. She wraps her skirts in ancient tissue paper, folds them away within the cellophane. Her heels in boxes, her blouse fully buttoned, she hides her heart until another day. She breathes in the wind of change, heady with hope, the promise of freedoms, joining the growing throng, carried away, unaware of her destiny. colorless men under colorless skies, heard broken creatures reeking of fear into dark caves for slaughter. Desiccated heads pinned on the rusty railings in a fly-blown square, where the pendulums of corpses hanging from the streetlights mark silent time on a never-ending war. She wanders in the landscape, a solemn wreath-like figure in the company of ghosts she knew before. Through the canyons of the labyrinth, the twisted concrete skeletons, the clouds of smoke and dust that fill the skies. The blinded light, it fell out of the heavens and changed her life forever. She's no one left, everything is gone. She knows she has to leave. Nowhere to shelter, no food, no heat, no water, struggling to survive. On the edge of the shadows, she's aware the snipers follow. The clock is ticking down. Thank you. Screen wipers battle futilely against the swirling dust storms. Their soothing rhythm and the movement of the bus providing some temporary reassurance, lulling her into an uneasy sleep. Cautiously threading their way along ancient smugglers' routes, down through the valleys, under a ceiling of stark starlight. Her only baggage, the fragments of the horrors she couldn't leave behind. The passage was paid for in greedy exchanges with callous strangers, full of promises and peddling hope, whose cold, lecherous eyes followed her as she took the transport up the coast to a deserted inlet, out of sight of prying eyes and guardian angels. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour le deuxième bloc de l'émission, on va aller du côté du genre psychédélique avec la formation française Slift. C'est une formation qui existe depuis quelques années. Ils ont déjà 4 albums studio à leur actif et ils ont produit en 2020 l'album Human. Et je vous propose la pièce Dark Space Cold War the Stars. Ça sera suivi d'une formation allemande qui aussi œuvre dans le psychédélisme. C'est la formation Cosmic Vibrations. Et la pièce que j'ai retenue s'intitule Aurora et c'est tiré d'un album compilation de plusieurs groupes qui adonnent dans le genre psychédélique. Et l'album s'intitule Psychedelic World Music Discovery. Et on va conclure avec le groupe allemand Phones. C'est un groupe qui a donné 2 albums studio dans les années 2000, début des années 2000, avant de changer de nom pour Favni. Alors, l'album Phones que j'ai retenu, c'est Awaiting the Sun, et vous allez entendre la pièce A Perfect Place. Yeah. felt. But when I saw her cry, she kissed the world goodbye. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va aller du côté de l'Italie maintenant avec une nouveauté du groupe La Maschera di Chera. C'est un groupe ça, qui avait été actif au début des années 2000, mais que Fabio Zuffanti avait dissous. Ma grande tristesse, maintenant, quelques années plus tard, disons une dizaine d'années, ils nous reviennent avec une nouveauté. L'album s'intitule S.E.I. Et j'ai choisi la pièce le Il Tempo Millenario. Et on va conclure avec une courte pièce du groupe Delirium. Delirium qui est aussi un groupe italien qui a été actif avec trois albums studio au début des années 70. Et après une longue éclipse de 22 ans, ils reviennent en 1996. Et depuis, on a eu droit à quatre albums studio, dont Il Nome del Vento. Et j'ai choisi pour vous la pièce Verso il Naufragio. Et ça inclut des extraits de la pièce Team One. Ça, c'est de Van der Graaf Generator dans les années 70. Alors, vous allez entendre le refrain à quelques occasions dans cette courte pièce de Delirium. il suono dei miei passi è il solo segno di vita. Torno dopo secoli, è strano questo cielo, non riconosco niente, non mi oriento più. Thank you. abbandonato, senza più un'alba, trovo la porta che si regge a malapena. Vivo tra le ginocchia di mio padre, ancora il sole che splende e la stanza si illumina, rumori dalla cucina, il canto di mia madre. Poi allo specchio non c'è più lei, ci sei tu che guardi lei che si trasforma in te. Sempre più ne diventava giovane. andato solo a combattere per non ricordo chi. Lunghi anni passati in mondi sconosciuti. l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Ceux qui sont familiers avec l'émission savent que je suis un amateur assez inconditionnel du rock progressif italien. Et à l'occasion, je reviens aux sources en 1973 principalement et 1974. Ce sont les deux années qui ont été les plus prolifiques en termes de créativité dans le rock progressif italien. Alors, je vous propose trois groupes qui ont été les précurseurs et en même temps les porteurs du drapeau du rock progressif dans ces premières années-là. Et j'ai nommé Il Volo. Et je vous propose un extrait de l'album homonyme qui est paru en 1974. Puis ce sera suivi par Les Ormés et l'indémodable album Felona e Sorona. Je vous propose les deux pièces qui clôturent la face B de cet album-là. Et en conclusion, bien, on aura Il Rovescio de la Medaglia et les cinq pièces qui terminent la face B de cet album-là qui s'intitule Contaminazione. Alors, c'est un album, je le rappelle, qui est consacré à Jean-Sébastien Bach et qui fut à l'origine composé, adapté, c'est-à-dire par un Argentin. Et adesso che risiamo ancora qui, chissà se si ripete oppure no. Salza pianissimo, il respiro in me, come pezza fragile. Te. E tu apri gli occhi e sparacchi a me, foreste impenetrabili e pianure immense che si muovono ondeggiando. Sul vento e tu sei l'erba mia, io poi tempesta e tu in un attimo follia e noi. I'm fiamma s'accende, l'amore vivo nei loro sguardi, ora li unisce nel nuovo domani. Salutano il vento, un uomo torna dalla sua donna, una ragazza va incontro al suo sogno. Thank you.